La caractéristique de Calvary Chapel, c'est l'enseignement systématique expositionnel de la parole. Et on va en parler aujourd'hui car nous regardons ensemble le don de l'enseignement. Mais comme je vous ai expliqué, j'ai eu le désir et un sentiment qu'il y avait un besoin d'explorer le travail de l'Esprit-Saint. Et vous allez voir, lorsqu'on le fait aujourd'hui, ça a d'autant plus de sens parce que ça rejoint nos bases théologiques et notre pensée. Tout à l'heure, quelqu'un demandait quelle est la dénomination de Calvary Chapel. C'est non-dénominationnel, mais avec des piliers particuliers que vous pouvez retrouver en arrière sur l'Internet et qui ne sont pas nécessairement les piliers les plus extraordinaires au monde. C'est pas le but, c'est que c'est un agencement de piliers c'est un agencement de croyances qui fait que, à mon humble avis, c'est une église qui est apte à grandir et à nourrir. Là où je m'en vais, aux États-Unis, les églises sont parties de 2, de 4, de 6 personnes, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un, et ils sont devenus des endroits où les gens sont obligés d'être dehors avec des écrans, parce qu'il n'y a plus de place dans l'église. Bon, nous, je pense que ce ne sera pas notre problème, mais et quand les gens ont des petits édifices, tout ça, c'est merveilleux de voir qu'il y a un appétit incroyable causé par l'enseignement. L'enseignement génère un appétit pour plus d'enseignement, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ne croyez pas tout, enseignez tout. Ne croyez pas tout, enseignez tout. Seigneur Jésus, voilà notre désir encore une fois, c'est de ne pas croire tout ce qu'on entend autour de nous, mais c'est d'être enseigné par toi avant tout. On veut mieux te connaître, et comment le faire aujourd'hui? C'est bel et bien par ta parole, par la connaissance de la vérité que l'on retrouve ici. Évidemment, ton Esprit-Saint nous parle, ton Esprit-Saint nous dirige, mais la parole, elle nous aide de façon précise. Elle nous équipe à faire face au monde d'aujourd'hui, à nos cœurs de pécheurs et à la société qui nous entoure. Nous te prions de nous édifier, nous enseigner aujourd'hui. Moi, j'en ai besoin et nous en avons tous besoin. C'est au nom de Christ que nous prions. Amen. Donc, le don de l'enseignement, on a vu le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don du discernement des esprits. Maintenant, c'est le don de l'enseignement. Alors, nous sommes encore dans 1 Corinthiens 12. Alors, venez avec moi là et vous verrez le texte qui nous parle de ce don-là. 1 Corinthiens 12, 28. Vous savez, nous étions dans d'autres versets, plutôt 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, verset 8, on parlait de la parole de sagesse, une parole de connaissance selon le même esprit, verset 9 à une autre, la foi par le même esprit. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a devant vous. Et c'est important de suivre pour voir ce que la parole a à dire. Mais là, aujourd'hui, nous sommes dans verset 28, c'est bien simple. « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. » Ici, on parle évidemment des apôtres ou des docteurs. Un docteur, c'est un enseignant. Et dans Romains 12, 7, je peux vous le lire, il y a une autre liste de dons, et dans ce cas-ci, c'est encore plus précis, Romains 12, 7, et ça dit, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne, Romains 12, chapitre 12, verset 7, celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité. Et ça continue. Un jour, Platon était en train d'enseigner, on peut s'imaginer Platon en train d'enseigner une de ses diatribes, de ses fondements de la vie, de la philosophie. Et après avoir enseigné avec hardiesse et sueur, il se lève de ses textes pour voir qu'il ne restait qu'un seul étudiant, alors qu'il y en avait des dizaines et des dizaines au début de son enseignement. Bon, en espérant que ce ne sera pas mon cas, dans 35 minutes, je me relève. Oh, ben tiens, C'est pour moi, ça, on s'est enregistré. Il se relève et il ne restait qu'un étudiant, et celui-ci, c'était Aristote. Aristote. Vous connaissez évidemment ces deux philosophes. L'idée, c'est qu'ici, le grand enseignait au grand, et le grand était prêt à recevoir cet enseignement-là. Le don de l'enseignement, c'est tout à fait l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Ce n'est pas fait que pour l'élite. Quand je suis ici, je ne me parle pas à moi-même. Faites-moi confiance, je ne suis pas l'élite, mais le but, ce n'est pas de satisfaire mon oreille, mais bel et bien d'essayer de communiquer avec humilité une vérité que vous allez pouvoir recevoir et utiliser, le don de l'enseignement. Évidemment, le mot grec, ici, didaskalos, qui vient de didasco, et on sait de quoi c'est. Évidemment, on sait que c'est le mot didaskalos, et on voit la source. Ça parle de l'enseignement. L'enseignement, la capacité de communiquer une vérité pour qu'un individu puisse la recevoir et la mettre en pratique. Ça, c'est l'enseignement en général. Il y a plusieurs d'entre vous qui sont enseignants. Et vous le faites au quotidien. Vous le faites avec vos enfants. Vous le faites parfois avec des amis ou avec des connaissances. « Laisse-moi t'enseigner la musique » ou ceci ou cela. Vous communiquez une vérité. Mais le don de l'enseignement, c'est autre chose. Et souvent, les gens me demandent « C'est pas la même chose. Il me semble que je suis capable, je suis un bon enseignant. » Je fais « Non. » Le don de l'enseignement, il est surnaturel. Et donc, équipé par l'Esprit-Saint. Équipé, fortifié par l'Esprit-Saint. Le don de l'enseignement, c'est la capacité, et je vous donne une petite description, surnaturelle, de prendre de profondes vérités bibliques et théologiques et de les communiquer, de façon lucide pour que les gens ordinaires, comme vous et moi, les comprennent facilement. Vérités profondes, théologiques, bibliques, transformées en quelque chose de digestible. Ou, une autre description, la capacité de communiquer la vérité dans une progression systématique pour que quelqu'un la reçoive, l'applique et qu'un changement de comportement s'ensuive. C'est ça le désir d'un pasteur, c'est ça le désir de tout enseignant, c'est qu'il y ait un changement de comportement ou un changement de pensée. On ne fait pas juste ça parce que « Oh, c'est agréable, puis on meuble le temps, puis hey, j'entends ma propre voix, puis je peux même l'enregistrer, puis l'entendre plus tard. » Aucun intérêt. Mon désir, c'est que plus tard, vous veniez me voir, hey, ce que tu as dit, ça m'a permis de mieux comprendre une situation, de mieux vivre ma foi biblique, de mieux appliquer toute cette chose-là complexe dans ma vie de tous les jours. Voilà mon désir, de voir des changements dans vos vies, et faites-moi confiance, dans les miens. L'enseignement systématique, et c'est là qu'on ça rejoint Calvary Chapel, évidemment, cette colonne de Calvary Chapel, je la reconnais, je l'aime bien, je l'embrasse, au lieu d'embrasser un arbre, j'embrasse cette colonne, et je dis, ah, l'enseignement systématique, c'est différent. Et le don de l'enseignement fait référence à cet enseignement systématique. Ça veut dire que le mot grec ici serait le même qui serait utilisé pour quelqu'un qui amène une chorale. Après des mois et des mois de pratique, hein, on sait c'est quoi une chorale, vous en avez vu des bonnes et des pas bonnes, comme on dirait en québécois, des poches. C'est pas évident. Quand une chorale est pas bonne, là, c'est « s'il vous plaît, éteignez-moi ça tout de suite », ça n'a aucune valeur. C'est mignon, ils apprennent, les gens, surtout les enfants peuvent apprendre ensemble, mais une chorale, il faut que ça sonne à l'unisson, ou sinon, ça n'a pas vraiment de valeur intrinsèque. L'idée, c'est ça, c'est qu'on travaille ensemble pour former une chorale, pour que vous et moi, nous ayons une même voix devant Dieu. Et j'espère que, humblement, on peut arriver là à s'en disquer, puis à s'écouter, puis à dire « Wow, c'est pas pire ». On écoute ça durant le temps des fêtes, et puis on dit « Ah, ça sonne bien ». Enfin, une belle chorale. Voilà le mot pour systématique, pour ce genre d'enseignement-là dont on parle. L'enseignement peut être utilisé, et je l'ai dit, de toutes sortes de façons. C'est pas seulement ici, devant, derrière le morceau de bois ici. C'est pas, non, ça peut être très tendre avec un enfant. Ça peut être un à un avec un café. Hey man, tu sais, j'ai remarqué qu'il y a des choses ici qui m'ont touché. Essaye, ça va te faire du bien. Essaye ça. As-tu vu ce verset-là? C'est incroyable. Ah, ça, c'est l'enseignement. Et le don de l'enseignement, vous allez le voir. Lorsque quelqu'un l'a, il vous parle et, ah! C'est en plein dans le mille. Mais pasteur, il me semble que vous parlez de ma vie, là. Comment ça se fait que ce pasteur-là ou cet enseignant-là, c'est exactement ce que je vis? Ben, parce que je m'informe. Je demande aux gens à côté de vous. Puis là, je prépare mon enseignement en sachant que elle, là, ce qu'elle a besoin d'entendre, là, c'est ça. Mais non. C'est ça, justement. C'est que l'Esprit Saint vient, en espérant que ça se passe, et il me dirige précisément pour que je puisse parler dans vos vies, à l'endroit où vous vous retrouvez. Et ça se passe avec moi. Souvent, je m'assois devant un enseignant, puis je dis, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. D'ailleurs, il n'est pas ici, il est en bas, mais peut-être qu'il vous en parlera, mais Michel disait qu'il était en Chine récemment. C'est un exemple parfait. Il est en Chine, il était à Hong Kong, je crois, et à ce moment-là, et il se retrouve dans une église un matin où la vie n'était pas évidente, et il se retrouve là, et le message qu'il a entendu était exactement ce qu'il avait besoin d'entendre ce matin-là. Non, mais il faut le faire. Il faut se retrouver à 10 000 milles de Montréal, dans un endroit où Dieu va te parler à un moment précis, traduit du chinois à l'anglais, et c'est exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Il me dit que ça a eu un impact très important dans son voyage et dans sa vie. C'est ça, le don de l'enseignement. L'enseignement requiert différentes choses, et ça crée un paradoxe. Entre autres, ça requiert un développement. Mais oui, mais tu viens de dire que c'est surnaturel, donc tu n'as pas besoin de travailler, tu fais juste « oh, ça va se passer tout seul ». Pas tout à fait. Il faut se mettre dans une position pour recevoir le travail ou l'inspiration ou l'énergémata, qu'on disait en grec, la puissance de l'Esprit-Saint. Il faut se mettre dans une position, donc il faut se préparer, c'est pas compliqué, il faut travailler comme des chiens. Hein? Si je, pour enseigner là, un enseignement de 7 pages, c'est à peu près 20 à 25 heures d'études constantes. Ça ressemble à étudier pour une thèse à chaque semaine. Bon, moi je suis un jeune enseignant, mais un enseignant hors pair pourrait te dire que ces études ressemblent à quelqu'un qui prépare un doctorat. Mais ça, pendant toute une vie, il faut le faire. Donc, l'idée, c'est que ça demande un développement. Chacun de nous, pour mieux se parler, pour mieux se communiquer, il faut développer cette capacité-là de parler avec une langue hein, qui a un impact sur l'autre. Ça, c'est bien normal. Mais en même temps, ce n'est pas, et c'est le paradoxe, ce n'est pas un talent naturel. Ah, mais lui, elle est bonne, elle parle tellement bien. Ce n'est pas ce qu'on dit ici. C'est bien différent d'ailleurs. Des enseignants, des gens qui travaillent dans les écoles publiques ou les écoles privées, qui sont très, très bons à ce qu'ils font, on leur demande des fois d'enseigner dans l'église ou derrière la chaire ou dans un environnement pour les enfants. Et ils sont très moyens. Ils ne sont pas capables de prendre une vérité spirituelle et de l'amener au cœur des gens. Ça devient très, bon Dieu dit, puis c'est très, très mécanique. Donc, ce n'est pas un talent naturel. Ah, tu es un bon enseignant un jour, tu es toujours un bon enseignant. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le don de l'enseignement, comme tous les dons, et je le répète, sont sous la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui donne lorsqu'il désire bien donner. Ah non, mais attention, je suis toujours efficace. Moi, quand j'enseigne, ou moi, quand je fais ceci, j'ai toujours l'onction du Saint-Esprit. Donc, donnez-moi du cash. Puisque vous aurez toujours un miracle, vous aurez toujours de grandes choses. Vous comprenez? Vous avez déjà entendu ça? À la TV ou autour de vous, on vous dit, non, mais je possède ce don-là. Donc, pour 14,95, tu rajoutes un 0, 2-0, 3-0, je vous illuminerai. Mais non. La réalité, c'est que tu es très humble parce que c'est, chaque semaine, je deviens comme un enfant. Seigneur, donne-moi quelque chose à dire. J'ai rien à dire. Qui suis-je pour enseigner? Bon, je peux bien étudier, mais ça va être dry, ça va être plate, à moins que tu énergémata ce don-là à travers moi. On s'entend? Donc, l'idée, c'est Dieu qui fait son travail. On enseigne quoi? Le pasteur. Là, on va revenir à l'Église. On parlait de l'enseignement en général, mais à l'Église, le don de l'enseignement, c'est spirituel. C'est quoi le curriculum? Je reviens justement d'une rencontre pour une école possible pour mon fils l'année prochaine. Des gens de conviction, c'est une école alternative, ils expliquaient leur curriculum. Oh, c'est bien préparé, les valeurs, puis tu vois, ils ont beaucoup réfléchi. Nous, c'est quoi notre curriculum? C'est quoi notre curriculum? Bien, est-ce que c'est les traditions d'un groupe religieux? Attention, Calvary Chapel, ça a 40 ans maintenant. C'est les traditions. Ces colonnes-là, c'est ça qu'on enseigne. Ah. Ou une église qui a 2000 ans peut-être, qui sont partout autour de nous, ici à Montréal. Ou est-ce que c'est la révélation spéciale d'un individu? Attention, lui, elle a une révélation. C'est ça qu'on veut entendre, cette révélation-là. Ou le point personnel. Moi, cette semaine, j'ai lu dans le journal, j'ai des choses à vous dire. Écoutez-moi, je pense que ça va vous faire du bien. Ou c'est le fruit de ma philosophie, de ma recherche sociale, psychologique. J'ai lu beaucoup et je vais vous parler comment transformer vos cœurs par la psychologie. Et ça se fait beaucoup, beaucoup dans l'Église. Ça a été très à la mode dans les années 90. Là, bon, il y a un refroidissement, mais c'est encore là. Hein? C'est très... Où? La Bible. Cette parole-là, qui est vivante comme une épée, qui est inhérente, qui n'a aucune faute, aucune erreur dans la version originale, et très peu d'erreurs, et aucune qui n'affecte notre doctrine dans la traduction. Elle est inhérente, elle est parfaite, et elle nous parle. Alors, les platitudes de Pasteur Sébastien, et sa philosophie par rapport à la presse et aux Olympiques, et ce qu'il a découvert dans ses voyages, non, mais peut-être pas. Peut-être en histoire, à côté, oui, c'est mignon, mais c'est pas pour ça que vous êtes ici, j'espère, et je sais que vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes ici pour ça. Ça parle. Ça me parle. Et c'est ça l'idée de l'enseignement. C'est quoi l'intention de ce don-là? Et à chaque fois qu'on va regarder les dons, on va regarder l'intention, le but. So what? D'ailleurs, quand on enseigne, une des questions clés, c'est so what? OK, c'est bien beau le don de l'enseignement, mais moi, je me pose ces questions-là. Ça veut dire quoi? Ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que ça change dans vos démarches privées? Mais dans l'Ancien Testament, il y a toutes sortes d'exemples. Dans la Bible, si on y croit, c'est dans son ensemble. Et c'est 66 livres, comme j'expliquais à Jude. C'est beaucoup de livres, c'est beaucoup de stocks, et on regarde tout ça dans son ensemble. L'intention, c'est d'être un porte-parole pour Dieu. L'intention du don de l'enseignement, c'est d'être un porte-parole pour Dieu. Waouh! Extraordinaire que vous le faites devant un café, avec des enfants, avec des amis, ici, en bas, ça se passe. Au moment où on se parle, il y a des gens qui enseignent de l'autre côté. C'est le même don. C'est la même chose. Merveilleux. Être un porte-parole pour Dieu, pardon. Dans Exode 4, venez avec moi, tout début de la Bible, et vous allez voir que ce don-là est en opération depuis belle lurette. Exode chapitre 4, verset 10. Exode, c'est évidemment au tout début de la parole, deuxième livre. Exode 4, 10. Et c'est la question qu'on a tous, 4, 10 de l'Exode. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, moi, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est pas d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi, j'ai la bouche et la langue pesantes. » En deux mots, je ne suis pas un bon enseignant. Je ne parle pas très bien. J'ai un gros accent québécois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas t'aider. Verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Ah, voilà l'idée, ce n'est pas nos talents privés, personnels, mais c'est Dieu qui parle à travers nous. Merveilleux. Première référence à l'enseignement, Néhémie 8:8, je vous le lis, c'est l'exposition des vérités de Dieu. Néhémie 8:8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est aussi simple que ça. Oh non, l'enseignement, c'est aller chercher des vérités qu'on ne voit pas, des choses que seulement moi, pour 1499, je peux vous révéler. Mais non, c'est des vérités qui sont déjà là. Et tout ce que je fais, c'est qu'avec humilité et avec un peu d'effort, c'est que je les ouvre, je donne le sens. C'est ça l'enseignement expositionnel, c'est que tu prends un verset à l'autre, à l'autre, à l'autre, et tu parles du sens de ce que tu vois là. Ça a du sens. Dans Ésaïe 28:10, là on regarde ensemble. Ésaïe, un immense livre de l'Ancien Testament, un des grands prophètes. Ésaïe. Vous ne pouvez pas rater ça, c'est vers la fin de l'Ancien Testament, c'est immense. Ésaïe, chapitre 28, verset 10. Et comme on vient de dire, il lisait distinctement dans le livre de la loi. Voilà pourquoi je vous invite toujours à avoir une Bible. En général, je vous dirais, bon, vous pouvez emprunter les nôtres, mais achetez-en une. Une que vous aimez. Il y en a au CLC, on aura en avoir plus, on en aura plus. Il y en a un autre endroit qui s'appelle Bible et Publications sur Monklin. Allez chercher une Bible que vous aimez. Donc, bon, moi, une petite Bible à 8 $, mais j'ai mis une enveloppe ici que j'aime depuis plusieurs années, qui a mon gras de main et qui c'est mon truc. Alors, trouvez votre truc. Et puis, il faut que vous l'ayez devant vous. Ou sinon, mais c'est juste le dimanche. Moi, la Bible. Et d'ailleurs, il y a bien des églises qui n'amènent pas de Bible. Ben, pourquoi? Les versets sont sur l'écran. Remarquez, ils ne sont pas sur l'écran. Parce que je ne veux pas que vous deveniez paresseux. Oh, mais ça va être là, de toute façon, petite salive qui pend. Non! Je veux que vous preniez l'effort de regarder dans la parole. Dans la parole, pour que vous voyez que c'est là, que ce n'est pas moi qui l'invente. Ésaïe 28, 10. Ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Page 694, si vous avez la petite Bible. Un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. Donc, c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. C'est ça. C'est ça l'enseignement. Un petit peu ici, un petit peu là. On avance. Ah, on comprend ça. On ouvre ça. C'est beau. Et il n'y a rien de plus satisfaisant. Et c'est sûr que ça fait partie de la philosophie de Calvin Chapel, justement, d'aller ouvrir les versets les uns après les autres. C'est une méthode comme une autre, mais c'est une méthode simple et puissante parce que tu vois la vérité de Dieu. Et comme on dit ici, l'élève balbutiant, c'est moi. C'est nous. Hein, on n'est pas des grands individus qui ont, hein, je ne sais pas, on n'est pas des pôles de ce monde. On est des gens normaux. Mais vous pouvez être utilisé. Vous pouvez être utilisé comme j'espère pouvoir l'être moi-même. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a des exemples. On avance ensemble. On fonce vers presque la fin du livre. 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. 1 Timothée, petite lettre écrite par Paul à Timothée. 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, en toute fin du livre. Page 238, si vous avez la petite Bible, je vous donne un petit coup de main. 1 Timothée 4, 13. Regardez bien ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée 4, 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi au divertissement, à la célébration, au curling, au... Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Jusqu'à ce que je vienne, le curling, c'est bien, mais... Je vous en prie, on ne fait pas ça dimanche matin. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi à ces choses-là. Applique-toi à ces choses-là. Applique-toi, verset 15, et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Est-ce que ça pourrait être plus clair? Je ne le crois pas. Ensuite, 2 Timothée, prochaine lettre, chapitre 4, verset 1. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Hey, je t'adjure, oublie ça l'enseignement. C'est pas les gens, c'est pas ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'être ensemble, ils ont besoin des bons groupes sociaux. Invite-les à venir être divertis pendant la prêche principale et avoir du plaisir les uns avec les autres le reste de la semaine. C'est pas ce que Paul dit. Prêche. Convainc, reprend, exhorte. Ensuite, 1 Corinthiens 11, 23, je vous le lis. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » L'idée, c'est que Paul, il ne parlait pas de lui-même, même s'il était monsieur doctorat et plus. Il parlait parce que Dieu lui avait parlé. C'est bien, c'est simple. Et c'est ça l'idée. Quand vous parlez avec des amis, « Hey, je ne sais pas quoi faire. » avec ma blonde, mon chum, cette situation-là, ma mère. Ben, laisse-moi te dire ce que je file, là. Ce que j'ai vu hier dans mes téléromans, c'est que c'est ça qui marcherait. Non, essayez de connecter la situation avec la parole. Et vous pouvez le faire tout aussi bien que moi, sinon mieux. Tu sais, quand plus vous apprenez à connaître votre parole, à un moment donné, vous pouvez... Ah, mais je sens que j'ai lu quelque chose. Ah oui, ça dit de parler la vérité avec amour. Ah, mais je ne sais pas si je devrais lui dire, mais moi, mes filles... Non, ça dit dans Éphésiens 4, 15, parle, dis-le, la vérité avec amour, dis-le, doucement. Oui, mais elle n'arrête pas de faire des... Ah, mais là, ça dit dans Galates, mais reprends-le avec douceur. Mais fais attention pas que toi, tu te fasses tomber. C'est à peu près ça que ça dit. Et l'idée, c'est que la parole, à un moment donné, elle fait partie de la façon dont tu parles. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu reprends, tu exhortes, tu convaincs. Ce don-là était très, très, très emphasé. Il y avait un accent important sur le don de l'enseignement dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, et puis on peut aller là ensemble parce qu'on va y aller dans un verset, mais le livre des Actes en parle constamment. Je vais vous en montrer quelques-uns. Actes 2, 42. 2, 42. Le livre des Actes, la création de l'Église après les quatre évangiles, chapitre 2, verset 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, pardon, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est vraiment la base de l'Église moderne, en tant que l'Église des Actes, l'Église d'aujourd'hui, ça devrait être la base. Actes 2, 42, 4, 2. Excédés de ce qu'ils enseignaient, le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Encore une fois, ça parle de l'enseignement. 5, 42. Vous pouvez suivre ou ne pas suivre. À ce moment-là, on s'en va dans une folie biblique. Ce 5, 42 ici, ça dit « Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. » 11, 26. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche pendant une année entière. Ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Et ça continue. Enseigner. Ah, c'est ça, c'est. Bon, mais c'est quoi une Église du premier siècle? On veut retourner à l'Église du premier siècle. Les gens disent souvent ça. Il me semble qu'on a perdu. Enseigne. Puis, passe du temps ensemble à prendre la communion, puis à manger un bon petit pain. C'est pas compliqué. Enseigne. Mange, puis mange. On mange ici. Et grâce à vous, on mange des biscuits, on se réjouit ensemble. De l'autre côté, on mange. C'est super. Mais regardez avec moi, dans Actes 20, 26. Et qu'on envoie des versets. J'ai la tête qui me tourne. 20, 26. Pierre angulaire de l'enseignement de l'Église. 20, 26. C'est pourquoi? Je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même. Je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Chuck Smith disait justement, ceci ne peut pas être accompli par des sermons à forme topique ou à forme axée sur un sujet. Bon, ces sermons-là, comme aujourd'hui, c'est bien, mais comment couvrir toute la Bible et donc tout le conseil et tout le dessein de Dieu en allant de sujet en sujet? C'est impossible. C'est impossible. Alors que Calvary Chapel, Costa Mesa, en 7 ans, ils ont passé à travers toute la parole. Bon, l'idée, ce n'est pas d'élever une église, c'est d'élever une logique. Une logique. On se dit chrétien, on se dit biblique. On lit la Bible, on l'étudie. Voilà, c'est très simple. Et donc, il dit, pour avoir une vision équilibrée du dessein de Dieu, c'est quand tu regardes tous les évangiles et tous les épîtres et l'Ancien Testament et l'Apocalypse. Ah, mais là, je comprends Dieu. Je me vois, j'ai comme une peinture bien complète de sa personne. Et aussi, ça évite, évidemment, je vous l'ai déjà dit, ça évite au pasteur d'avoir des sujets importants. Aujourd'hui, il faut parler sur l'argent. Je sens que la semaine passée, c'était un peu maigre. Donnez! La Bible dit donnez! Ben oui, mais c'est bien mignon, là, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et on ne sait pas, on ne sait plus. Qu'est-ce que le pasteur veut dire? C'est-tu la Bible qui lui a parlé? C'est-tu lui? C'est-tu parce qu'il a peur que son salaire soit... Non, mais où c'est... Je sais qu'il y a du péché dans l'Église. Puis là, tu regardes une personne. Parlons-en de son péché! Non, mais bon, là, j'exagère, évidemment, mais c'est comme ça que ça se fait. Les pasteurs, souvent, ils vont te dire très... J'ai senti qu'il y a eu... Comme moi, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai senti qu'il y a eu un besoin. De temps à autre, dans une série complète et équilibrée, ça va. Mais là, si à chaque semaine, le pasteur doit sentir, c'est risqué, c'est faisable. Il y a des hommes, des femmes, des gens qui enseignent, qui sont nobles, qui sont à la... Hein, c'est leur méthode et ils vont écouter Dieu puis ils vont le faire avec assiduité, avec une précision. Mais en général, c'est dangereux. C'est tout, c'est dangereux. Et pourquoi se mettre en danger quand on sait que notre chair est très, très forte? Il y avait un enseignant appelé Maurice Cohen à l'Université de Chicago. Très reconnu. Ses amis professeurs, les anciens élèves, les directeurs de l'université allaient le voir parce que c'était fascinant. Vous avez déjà eu des grands professeurs, des gens qui s'expriment puis qui ont une philosophie. C'est leur vie qu'ils mettent devant les élèves. C'est extraordinaire. Après cet enseignement absolument merveilleux, un ami vient le voir et lui dit, écoute, tu n'as pas l'impression que... Oui, c'était brillant ce que tu as fait, professeur Cohen, mais tu n'as pas l'impression que ça leur a passé par-dessus la tête, que c'est allé trop haut. Le professeur Cohen lui dit, oui, voilà mon désir, mon dessein. Effectivement, j'ai visé en haut de leur tête pour que leur tête s'élève là où cet enseignement se retrouve. Souvent, on va vous dire, ben oui, mais enseigne pas comme ça, les gens ne comprendront pas. Va pas enseigner 40 minutes sur l'enseignement, les gens vont s'ennuyer. Ils vont se dire, non, mais ça ne me touche pas. C'est trop compliqué. Et on me l'a dit à maintes reprises. Il y a des gens et des pasteurs qui m'ont dit, tu ne peux pas enseigner comme ça, les gens ne comprennent pas. Ah bon? Vraiment? Êtes-vous niaiseux? Êtes-vous niaiseux? Et je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Non seulement ça, mais je crois au contraire qu'il faut chacun de nous se stimuler à aller plus haut, à aller chercher, à comprendre, à appliquer. Voilà. Voilà ce que je pense que Dieu veut faire avec nous, avec moi. Quand même, moi, quand j'étudie la semaine, je pourrais dire, bon, mais j'aimerais ça que ce soit simple. Mais au contraire, je me stimule et j'espère le faire avec vous. L'exemple ultime, c'est Jésus. C'est quoi? Tout son ministère était axé autour de l'enseignement. Vous vous souvenez, à 33 reprises, tout ce qui est autour de enseignement, enseigner, fait référence à Jésus. 33 reprises, 58 fois, on l'appelle maître. Maître, ça parle d'un enseignant. 58 fois, maître, enseignant. Très tôt, Matthieu 4, 28, Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues. C'était au tout début, il enseignait. Dans Marc 1, 22, ce qui impressionnait les gens, ce n'est pas que Jésus était beau et qu'il marchait sur l'eau, qu'il flottait, c'est que son enseignement avait une autorité. Ils étaient, on dit, la Bible dit, ce qui impressionnait les gens, c'était son enseignement, parce qu'il enseignait avec autorité. Ça vient d'où, l'autorité? Ça vient du fait que tu es Christ? Oui, évidemment. Mais ça vient que tu enseignes ceci. Donc, messieurs, dames, quand vous vous parlez les uns aux autres, quand vous amenez de l'aide les uns aux autres, quand vous vous enseignez les uns aux autres, si tu t'assois là-dessus, tu peux parler avec autorité. Fais pas ça, tu vas te planter. Il va pas me dire ce qu'il fait. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Et tu te caches derrière. Tu comprends? Tu n'as pas besoin à ce moment-là de dire, c'est moi, j'ai des grandes choses à dire. La Bible a de grandes choses à dire et tu peux parler avec autorité. D'ailleurs, ce qui m'a frappé dans l'enseignement de Skip Heitzig, qui était le pasteur de Calvary Chapel là-bas, qui est encore pasteur, évidemment, et c'était une espèce d'autorité incroyable. Je me dis, ouais, mais à la limite, tu peux dire, il se prend pour qui? Mais il se prend pour quelqu'un qui enseigne la parole, inspirée par Dieu, avec le don de l'enseignement. Et donc, il y a une autorité. Une autorité. Même les ennemis de Jésus le reconnaissaient comme enseignant. Donc, déjà, tu vois, c'était bien, bien clair. Même les gens qui l'haïssaient disaient, oui, on sait que tu es maître, on sait que tu es enseignant, on sait que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Et là, après, ils essayaient de le faire planter. Hein? Mais ils reconnaissaient qu'il était enseignant. À la toute fin, quand Jésus nous a laissés, qu'est-ce qu'il a dit? Encore une fois, il nous rappelle d'enseigner. Il dit, dans Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui, les uns avec les autres. Aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, ça sert à quoi ce don-là? Ça sert à quoi l'enseignement biblique? C'est pour nous donner, et ça, messieurs, dames, on en a besoin. On vit dans un monde de mensonges absolus. Je regardais hier dans la presse, c'est moi, vous passez mes philosophies pendant quelques instants, je regardais dans la presse les millions et les millions de dollars dépensés chaque semaine, chaque mois, chaque année sur des séries télévisées québécoises. Moi, je trouve ça bien. Si c'est des bonnes séries, bravo. Vous savez, j'étais comédien pendant plusieurs années. Je connais bien ce monde. J'ai un ami qui est cinématographe, donc il vit dans ce monde-là. Et c'est des millions et des millions qui viennent de où? En grande partie de nos poches, du gouvernement fédéral et québécois. C'est en grande partie l'argent pour ces séries-là vient de là. Mais qu'est-ce qu'elles enseignent, ces séries-là, si vous les regardez moindrement? C'est quoi la philosophie de vie derrière cela? Attention, c'est pas évident. Et ça passe avec, hein, c'est fulgurant, c'est chaque semaine, c'est reluisant, c'est des stars, c'est partout. L'enseignement du monde est très efficace, très efficace. Regardez-les dans vos adolescents, vous pouvez vous dire, ah oui, mais moi, je suis imperméable à ça. Ah oui, regardez dans vos propres familles, vos adolescents, vos enfants, ils sont vraiment bombardés. Nous sommes bombardés. Je lis le journal pendant une heure, et quand je ferme ça, je trouve ça fascinant, mais je me dis, quel monde! Acheter des maisons, acheter des autos, acheter, faites ceci, faites cela, puis c'est comme, t'es bombardé. Mais attention, c'est ce que le monde veut nous enseigner. Il faut équilibrer ça avec une autre vérité, Dieu merci, celle que l'on retrouve ici. Dans Oséa 4, 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. » Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se passait il y a 1000 ans. C'est que les gens ont oublié l'enseignement simple et véridique de Dieu. Donc, et leurs fils et eux-mêmes en prennent une certaine raclée. Donc, on a oublié la connaissance. Ensuite, c'est pour enseigner la sagesse de Dieu, amener des conversions. C'est ça le but aussi. Messieurs, dames, on fait ceci pour que vos cœurs, s'ils ne le sont pas, se convertissent à la vérité de Dieu. Pour que vous reconnaissiez qu'il n'y a qu'une vérité, que Dieu veut saisir vos âmes et vos cœurs et vous transformer, vous donner un nouveau sens à vos vies. Ah, j'en ai un sens. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, j'ai des maisons, des autos, du grand succès, j'ai besoin de rien. Bon, ça, c'est pas notre problème, la plupart d'entre nous, mais on peut sentir qu'on a, j'ai trouvé un sens à la vie. Ce sens-là, il va disparaître, moindrement que vous allez frapper des murs. Mais le sens en Christ ne disparaît jamais. Donc, la vérité de l'enseignement veut convertir vos cœurs et garder ce cœur-là converti. L'amener à une transformation. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, et on termine dans quelques instants, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Cela dit, « Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voilà mon désir. Ne basez pas votre foi sur la sagesse des hommes. « Oh, mais monsieur, c'est monsieur Frappier, il semble avoir une certaine sagesse. » Ça n'a aucune importance. Votre sagesse doit être basée sur le roc de Dieu. Puisque la semaine prochaine, je ne suis pas là, votre sagesse, votre connaissance doit être basée sur le roc qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui est inébranlable. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Ensuite, ça explique des vérités spirituelles. Chapitre 2, verset 13, ça dit ceci. « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. » C'est ce qu'on veut. C'est des vérités spirituelles. Des vérités spirituelles. Ou sinon, des vérités tangibles, matérielles, il y en a partout, on peut en trouver, on peut aller à l'école, il y a des très grandes choses qu'on va découvrir, mais des vérités spirituelles, elles sont rares. Cherchez-les. Un pasteur doit être un enseignant. Mais pas tous les enseignants doivent être pasteurs. Messieurs, dames, je vous invite à reconnaître le don de l'enseignement dans vos vies, quand Dieu vous le donne, et, comme je vous ai dit, vous devez aussi le pratiquer. Donc, enseignez aux jeunes, enseigner à toutes sortes de choses, à toutes sortes d'endroits, avec des amis. Laissez Dieu vous utiliser. Laissez Dieu vous utiliser. La musique, la louange, quand Christian parlait entre les chansons, c'était le don de l'enseignement. Un à un, les jeunes, on sait que c'est une bataille incroyable, très importante. Venez avec moi dans 2 Timothée 4, 3. On retourne en Timothée encore, ben oui. 2 Timothée 4, 3. On l'a vu, évidemment. On se répète, mais vous allez voir, on va aller plus loin. 4, 3. On disait, ou 4, 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Attention, car il viendra un temps, verset 3, 4, 3 de 2 Timothée, page 2, 42. Il viendra un temps où les hommes, les femmes, les enfants ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Vers les fables. Mais toi, nous, messieurs, dames, soyez sobres en tout. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Le temps est maintenant, vous êtes d'accord? Les gens ne supportent plus des vrais enseignements, des vérités fondamentales. Ils veulent des choses qui satisfassent leur oreille, et dans l'Église, et dans le monde. Et dans l'Église, et dans le monde. Prenez garde à vous-même. OK, je vais faire attention. Je vais faire attention. On regardait tout à l'heure dans Actes 20, on disait que la Bible était plus enseignée et qu'on ne communiquait pas tout le dessein de Dieu. Mais regardez, je vais vous le lire. À la fin de ce passage-là, dans Actes 20, on parle du danger. Qu'il y a des loups, on en a parlé la semaine passée. Il y a des loups qui rôdent. Et plus on est faible en tant que chrétien, et malheureusement, je rencontre beaucoup de jeunes chrétiens, de plus vieux chrétiens qui se disent « Ah, oh, moi l'Église, là, aucun intérêt. » Ben oui, mais il me semble, tu m'as parlé d'une conversion, tu m'as parlé d'une relation avec Jésus-Christ. Oui, mais c'est plate, c'est plein de politique, les gens se plantent des couteaux dans le dos, les gens... Mais pourquoi? C'est parce que les gens sont trop ou sont pas assez occupés à faire ce qu'ils devraient faire. Laisser le don de l'enseignement les uns avec les autres, devant la chair, avec les enfants, prendre la place. On n'a pas le temps de niaiser. C'est la fin des temps, dans le sens que les gens ne sont plus intéressés par la vérité. Donc, et il y a des gens qui savent ça, il y a des gens qui sont là et qui rôdent. Ah, les petits chrétiens qui ont plus envie de l'Église, viens. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner des disciples après eux. Un ami à moi, au Nouveau-Mexique, pasteur, me disait hier, il y a 4 familles qui viennent de partir de l'Église et ils sont partis en disant des choses terribles à mon compte, disant justement que, en parlant d'argent, toutes sortes de folies. Je comprends, ils peuvent partir, mais ils se sont levés de son Église pour cracher du venin. Ça se passe. Donc, l'important, c'est que les gens soient axés, ancrés. Qu'est-ce que ça va nous donner de bien enseigner, messieurs, dames? Qu'est-ce que ça va vous donner? Quand vous sortez de ces portes-là, vous sortez avec quoi de plus? « Oh, c'est intéressant, ma petite tête, j'ai appris quelque chose. » Attention, la Bible dit dans Ésaïe 54, versets 13 et 14, « Tout est fils. » Ah, ça transcende votre personne, si vous n'avez pas des enfants maintenant, si vous êtes encore des enfants. Mais peut-être que ça vous touche, vous, mais vous aurez des enfants, et plusieurs d'entre vous ont des enfants. « Tout est fils seront disciples de l'Éternel. » Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, pardon. Et tiens-toi éloigné de l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Et de ta terreur, car elle n'approchera pas de toi. L'enseignement protège ta famille. Équipe ta famille. Sécure tes enfants pour l'éternité. Attention, ils ont des choix à faire. Mais cet enseignement-là sera clé dans leur transformation personnelle. Clé. Et on nous dit que vous serez protégés, vous serez protégés. Alors voilà pourquoi on étudie les dons de l'Esprit, messieurs, dames. C'est qu'on doit reconnaître que ces dons-là, ils sont tous disponibles pour chacun de vous. Pour chacun de vous. Oui, vous avez une attitude à enseigner, tant mieux, pratique-le. Mais après, Seigneur, aide-moi, je veux pouvoir dire ces vérités-là avec amour et précision par le don de l'enseignement. Le don de l'enseignement. 1 Corinthiens 12, 31 dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Encore une fois, on ne sait pas c'est quoi, mais l'enseignement, c'est très important. Très important. Et ensuite, on nous dit dans 2 Timothée 1, 6 « Ranime la flamme ». Ranime la flamme. Ça veut dire que si tu as un intérêt de communiquer des vérités, brasse ça. Brasse ça. Venez me voir. Dis, hey, moi, j'aimerais ça enseigner dans ce centre. J'ai un désir de communiquer des vérités dans cet environnement-là. Puis, je vois que vous n'avez pas couvert ça encore. Je peux-tu m'offrir? Non. Non, c'est réservé pour des gens qui sont maîtres, qui comprennent. Mais non. Si vous avez un intérêt, si vous démontrez que vous voulez apprendre et que vous voulez communiquer la vérité de Dieu, vous êtes mon homme, ma femme, vous êtes la personne. You're the man, comme on dirait en anglais. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Un esprit, non pas de peur, mais moi je suis pas capable, puis je suis mieux pas, puis je veux pas vraiment servir dans l'église, puis je suis ici juste pour quelques heures, puis je veux pas trop investir. Non, mais un esprit, je vous dis bien, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, voilà notre désir. Personnellement, nous voulons être bien enseignés. Nous voulons être stimulés par ta parole parce que celle-ci est parfaite. Celle-ci peut changer nos cœurs, changer nos relations amoureuses, changer nos relations avec nos familles, père, mère, nos enfants. Celle-ci peut nous aider à être de meilleurs employés, de meilleurs employeurs, à être des gens plus tendres, plus généreux. Celle-ci peut nous donner une vie satisfaisante. Mon Dieu, nous voulons bien enseigner pour connaître ta volonté, tout ton dessein pour notre vie. Mais aussi, nous voulons connaître ces dons pour les utiliser les uns envers les autres, comme nous disions, dans l'esprit du corps du Christ, pour servir, pour donner aux autres. Seigneur, aide-nous à ranimer, à chercher le don le meilleur. Et pour ceux, Seigneur, qui ne se seraient pas donnés à toi, l'enseignement amène les gens à la conversion. Ce n'est pas par des trucs et des « si vous venez à l'église, vous allez recevoir ». Non, c'est par la parole que les gens sont transformés. Je prie pour ceux qui ne se sont pas abandonnés à toi, qu'ils puissent être attendris par la vérité de ta parole. On a regardé beaucoup de versets aujourd'hui. Et cette parole-là, elle est précise, elle est vraie, elle coupe exactement là où on a besoin d'être tranché, amené à l'os de la vérité. Nous t'aimons, Seigneur. Parle-nous, édifie-nous, transforme-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez des questions, si effectivement vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, dans le sens que vous n'avez jamais vraiment pris possession de ces vérités-là, venez me voir après, j'aimerais vous parler, j'aimerais prier avec vous. Je suis là aussi pour répondre à toute autre question. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous manquer grandement. Je vous revois dans 3 dimanches. À bientôt.